Situation 3. Alors, je vous écoute, madame. Nom, prénom, motif ? Oui, je m'appelle Madame Deschamps, Rose Deschamps. C'est pour le vol de mes papiers.